nous sommes le 19 juillet, on a prévu un débat sur un aspect de la révolution espagnole, donc une révolution trahie, c'est-à-dire voir un peu, peut-être en interne et aussi à l'extérieur de la révolution espagnole, qu'est-ce qui s'est passé, qui a contribué à son échec. Alors peut-être au préalable, parce que comme sûrement les connaissances sont très hétérogènes, un bref rappel de la chose très générale sur la situation de l'Espagne dans les années 30, puis on retrouvera dans le vif du sujet, et puis s'il y a des questions à faire, on essaiera de les apporter. Voilà. Simplement donc en termes très très généraux, rappelez que l'Espagne dans les années 30, c'est un pays essentiellement agricole, avec pour les territoires agricoles extrêmement importants, notamment dans le sud, avec la défoniste qui possède massivement de la terre, et puis des paysans sans terre, des journaliers qui travaillent dans des conditions assez misérables dans le sud. Mais c'est aussi un pays industriel dans le nord, en Catalogne et au pays des Pays Basques, parfois avec des industries de pointe d'ailleurs, même si l'Espagne est peut-être un peu en retard sur l'industrialisation par rapport aux autres pays européens. Et là-dedans, un contexte socioculturel particulier, avec notamment le poids d'une église omniprésente. Je n'ai plus en tête le pourcentage de curés, nonnes, moines qui y a dans la société espagnole, mais c'est un pourcentage significatif, entre 5 et 10% de la population dans le désordre qui est rattaché. Un poids d'une armée qui est également extrêmement fort. Là aussi, l'Espagne, depuis l'époque coloniale, pratiquement n'a fait aucune guerre, ça n'empêche pas d'avoir un nombre de généraux, capitaine, colonel, etc., extrêmement fort, et une armée coloniale au Maroc. Tout ça faisant un bloc traditionnel, extrêmement fort, traditionnaliste, tendance monarchiste, je pense, monarchiste, l'autre fait. Et dans les forces, entre guillemets, de gauche, pour faire très simple, on trouve d'abord le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, et son syndicat qui est l'UGT, l'Union Générale des Travailleurs, auquel le mot socialiste n'est pas usurpé, voilà, il n'a rien à voir avec le Parti Socialiste aujourd'hui en termes de revendication d'idéologie, mais ça se caractérise comme un Parti Socialiste, certes social-démocrate, mais pouvoir éventuellement inspirer à l'aventure. Un Parti Communiste particulièrement faible, l'Espagne est un des pays où le Parti Communiste ne s'est jamais implanté, donc dans les années 30, ils sont une secte comme nous actuellement, plus. Et un mouvement extrêmement massif qui s'appelle la CNDD, une confédération anarcho-syndicaliste, dont on parlera beaucoup, extrêmement implanté dans certaines régions comme la Catalogne, l'Andalousie, le Levant, beaucoup moins implanté dans d'autres régions comme le Pays Basque, par exemple. Une implantation très très, très, très, très hétérogène. Et une organisation qui a, on va le voir, des aspirations révolutionnaires extrêmement fortes, tant et si bien d'ailleurs que plusieurs fois des groupes de la CNT, syndicat, localement au moins, ont essayé de déclencher la révolution syndicale. Un village anarcho-syndicaliste qui se met à l'autogestion jusqu'à ce qu'il se fasse massacrer. Donc il y avait une tendance comme ça à passer à l'acte très fort. Donc ça, c'est un petit peu le contexte général. Quelques points de chronologie. L'Espagne a oscillé entre monarchie absolue et république une ou deux fois. Et la dernière fois, donc, c'est le 14 avril 1931, je ne me refuse les circonstances exactes, mais la république a été proclamée à ce moment-là. Ça passe plus ou moins bien par rapport aux forces bien sûr nationalistes. Et ce qui ne va pas du tout passer, c'est qu'en 1936, une coalition de gauche va gagner les élections. Socialiste, oui, communiste, et c'est tout. Et donc, cette arrivée au pouvoir de cette coalition de gauche va amener une réaction très forte des forces traditionnalistes, c'est-à-dire l'utilisation de l'armée, sous forme d'un coup d'État. Donc, le coup d'État va être organisé à partir de l'armée, qui était quand même essentiellement très en droite, les entités, surtout la marine. Le gros des troupes était resté réaliste. Et donc, il y a un soulèvement qui est organisé le 18 juillet 1936, à partir de la base du Maroc, puisque le gros contingent de troupes responsables sont en Maroc, notamment la région métropolitaine. Et donc, ce soulèvement a lieu. Et face à ce soulèvement, il y a deux types de réactions. Les républicains, les socialistes qui n'y croient pas. Il y d'un mot célèbre du président Hassagne, qui était le président de la République. Donc le 18 au soir, on lui annonce que les troupes se sont soulevées, et là c'est un très joli mot, il se lève, moi je me couche. Et la réaction de part de la population, on appelle de la CNT très largement, en tout cas c'est la CNT qui se trouve en tête, qui a été, dès que ça a été connu, c'est à peu près un jour, qui s'est jeté dans la rue pour taper sur ce qui veut dire militaire, là où ils étaient. Et donc, notamment en Catalogne, mais aussi en Angleterre, en Andalousie, à Barcelone, les casernes ont été prises d'assaut, en tant que militaires ont été perdus, ils sont passés des forums, parce que c'est très gentil. Et à partir de ce moment-là, il y a deux choses qui se sont passées dans le temps. D'une part, un front de guerre, c'est-à-dire que au Maroc, il n'y a pas eu de soulèvement antifasciste, donc à partir du Maroc, les militaires, et puis dans quelques régions où ils étaient bien installés, comme la Navarre, où il n'y a pas eu de soulèvement antifasciste non plus, quelques villes tenaient les garnisons n'ont pas pu être dérogées, mais un front militaire a avancé du sud vers le nord en écrasant petit à petit tous ceux qui étaient antifascistes. Un soulèvement qui, sous des allures monarchistes, était un soulèvement fasciste, avec l'appui d'ailleurs des armées du soulèvement militaire. Histoire faite par l'aviation espagnole, par l'aviation allemande de Saint-Gabriel, c'est en Espagne. Et donc, ça, c'est une première chose, donc une guerre, qui a d'abord été une guerre de guérilla, puis une guerre plus frontale, ça on peut en parler. Et dans les régions où la CNT était majoritaire ou suffisamment forte, une révolution sociale, c'est-à-dire que les gens qui ont bloqué l'expansion de l'armée, très spontanément, on dit, dans mon sens, on a pas eu ce reçus, les membres sont de la République qui ne nous intéressent pas beaucoup. Et donc, ils ont fait ce qu'ils avaient l'intention de faire, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en autogestion. Et donc, suivant les endroits, suivant la population qui est représentée, ça peut aller de collectivisation totale, notamment dans certaines zones agricoles, mais aussi dans certaines industries, des formes moins radicales là où c'est difficile de faire autrement. Il y a deux choses à noter sur ce plan-là qui me semblent importantes. C'est que beaucoup de gens de l'UGT, dans certaines régions au moins, ont participé à ces collectivités. Ils ont bien tous été impulsés par la CNT, les socialistes de base, ouvriers, très souvent ils ont participé. Et de fait, certaines collectivités, si on regarde, si on retrouve l'image, certaines collectivités CNT UGT. Et la deuxième chose, c'est que, qui peut sembler étonnante c'est que dans toutes ces industries, les patrons ont été dessaisis de la propriété, mais ni jetés en prison, ni tués, et qu'on leur a même proposé de travailler dans la collectivité en étant quelqu'un comme quelqu'un d'autre. Ce qui d'ailleurs a certainement confus. C'est une petite anecdote qui montre l'état d'esprit dans lequel ça s'est passé. Peut-être maintenant rentrer un peu plus dans le sujet, sauf si vous aviez des questions à poser de votre général. Il faut bien recadrer un peu les faits comme ce qui a été fait, parce que la première chose quand on parle comme ça, c'est de connaître les faits pour ensuite pouvoir en débattre. Ça semble nécessaire. Alors aujourd'hui, nous vivons la célébration du moment historique, et moi ce que j'avais proposé de faire, c'était de faire. À partir d'un bouquin qui est l'ouvrage de Michel Amoros, qui à ma connaissance n'a pas été traduit en français, qui s'appelle La Révolution Traditionnelle, La Révolution Trahie, La Véritable Histoire de Bailous, qui est un révolutionnaire anarcho-syndicaliste, et des amis de Dorothy. Alors cet ouvrage, il présente effectivement la trajectoire d'un révolutionnaire catalan, qui a participé aux événements de 1936 et aux événements de mai 1937. Il présente l'évolution de cette personne, et dans cet ouvrage, moi ce qui m'a interpellé, c'est comment décortiquer l'action contre-révolutionnaire des comités nationaux et régionaux de la CNT. Je dis bien l'action contre-révolutionnaire. A savoir que nous, comme on l'a vu ce matin avec le copain Godichaud, il a très bien expliqué ce qu'est l'histoire et l'importance de la mémoire en tant qu'expérience du mouvement ouvrier. Dans son introduction, qu'est-ce que nous dit Michel Amoros sur l'histoire ? Je vais vous le lire parce que ça me semble primordial. Il cite d'abord Walter Benjamin. Les morts non plus ne seront pas à l'abri de l'ennemi quand celui-ci sera vainqueur. Et cet ennemi n'a pas cessé de vaincre. Ça veut dire quoi? Que l'ennemi, on le voit encore aujourd'hui dans la confusion qui règne au niveau des célébrations 1936-1939, République ou Révolution, la confusion, c'est le jeu de l'idéologie dominante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il faut les rappeler que le 19 juillet, c'est la commémoration de l'anniversaire de la Révolution espagnole, et non pas l'anniversaire de la République espagnole. Je fais allusion au célèbre. Et Amoros nous dira, primero se hace la historia, y luego hay que combattir por ella. En premier lieu, on fait l'histoire, et ensuite il faut encore combattre pour elle. C'est-à-dire que l'œuvre de mémoire, c'est l'approfondissement, non seulement le maintien effectivement des faits historiques, mais l'approfondissement des erreurs qui ont pu être commises, y compris par les compagnons, pour nous au moins éviter plus tard la répétition de ces erreurs. Et effectivement, ce bouquin, il parle surtout de la Catalogne. Parce qu'il faut bien comprendre que la Catalogne, il y a fait allusion, c'est le bastion de l'anarcho-syndicalisme, de la Révolution. Que la Catalogne est en plus une zone industrielle, que la Catalogne est en plus une zone stratégique en Europe, puisqu'il y a un port qui est Barcelone, un port qui est très cosmopolite, avec une population abondante, et que la Révolution espagnole est en grande part le fait de la CNT AIT en Catalogne. Alors, on peut se demander comment le 19 juillet, donc, jour de la Révolution, jour où le peuple, à l'appel de la CNT, c'est bien la CNT, parce que quand on lit un peu tous les historiques, là il a été rappelé que le gouvernement ne faisait rien contre le coup d'État fasciste. Mais parlons du Front Populaire. Parlons du Front Populaire. Qu'est-ce que dit le 18 juillet le Front Populaire? Le Front Populaire dit le gouvernement gouverne et le Front Populaire obéit. Le Front Populaire, c'est justement l'ensemble des partis de gauche, soi-disant antifascistes. Eh bien, quand il dit le gouvernement gouverne et le Front Populaire obéit et que le gouvernement dit qu'il va dormir, le Front Populaire obéit au mot d'ordre de faire la sieste. Et ceux qui ont effectivement la seule organisation politique, idéologique, culturelle, anarcho-syndicaliste, ce sont les anarcho-syndicalistes qui ont appelé à descendre dans la rue et qui ont donné finalement la légitimité au peuple pour prendre les armes et finalement faire cette révolution. Et il faut bien comprendre que, comme il a été dit, ce n'est pas que la CNT qui est descendue dans la rue. C'est l'ensemble des masses populaires de Catalogne et de Barcelone qui est descendu dans la rue. Et non seulement ils sont descendus dans la rue, mais ils ont conservé, finalement, le pouvoir-faire. Et c'est quoi qu'ils ont organisé, notamment à Barcelone? Alors on a parlé de collectivisation dans les industries, dans l'agriculture. Mais ils ont aussi organisé dans Barcelone, qui est une ville déjà, bon, je ne sais plus combien d'habitants, mais il devait y avoir à l'époque au moins 1 million d'habitants. Ils ont organisé par quartier des comités de ravitaillement. Ils ont organisé par quartier des patrouilles et des contrôles. Ils ont organisé les milices. C'est-à-dire autant de formes horizontales de pouvoir faire qui, nous allons le voir très rapidement, vont être descendues, annihilées par l'action, par les erreurs, on peut dire les erreurs, ou par la contraction d'autres militants de la CNT-AIT qui sont les dirigeants, en fait, de fait, de la CNT-AIT et qui sont les responsables des comités régionaux et nationaux de la CNT-AIT. En fait, ce qui se passe pendant 2 ou 3 mois en Catalogne, c'est la CNT contre la CNT. C'est-à-dire que le 19 juillet, le peuple en armes et les militants de la CNT ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Alors, certains diront, comme Saint-Yan, que ce pouvoir, c'est celui du peuple. Donc la CNT n'a pas à ir à por el todo, c'est-à-dire à faire sa dictature. Très bien, c'est une pensée très noble. Mais 3 mois plus tard, nous verrons qu'au nom de ça, la CNT va rentrer au gouvernement de la généralité, ses dirigeants vont rentrer et ne plus faire attention au peuple. Donc, le 19 juillet, ce qui se passe de fondamental, c'est que le gouvernement de la généralité, qui est le gouvernement l'équivalent du conseil régional, mais un peu plus fort, parce qu'elle est la région, je pense, qui était autonome à l'époque déjà, est respecté. Alors, je vais vous dire les mots de Saint-Yan, qui est un de ses dirigeants de la CNT à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe selon lui? Parce que moi, j'aime bien aller jusqu'au fond des choses. Les forces armées ont fusionné avec le peuple. À mon avis, c'est faux. Les forces armées ont été décomposées. C'est-à-dire que l'action idéologique du peuple a décomposé les forces armées. et se había constituido de repente algo superior a los partidos y tendencias. Tout d'un coup, avait surgi quelque chose de supérieur aux partis de tendance. Très bien, formidable. Se había formado un pueblo y ese pueblo sentía y obraba como tal. Il s'était formé un peuple qui, en tant que peuple, ouvrait comme tel peuple. C'était pas le moment de renoncer à tout. N'était-il pas le moment de renoncer à toute forme de partisanisme, de partidisme, pour se fondre dans ce peuple? Bien, ça s'est écrit le 20 juillet. Mais quand on continue à lire l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est constitué le comité des milices antifascistes. On forme le comité des milices antifascistes. Mais, par volonté nuestra, donc de Satya, de ses copains, entraron en ese comité representaciones de todas las fuerzas políticas. C'est-à-dire que d'un côté, on veut liquider tout ce qui est partisan, et de l'autre, on forme un comité de ministres antifascistes qui fait finalement de la politicalerie, puisqu'il est divisé en plusieurs postes. Alors on va donner tant de postes aux communistes qui n'existent pratiquement pas en Catalogne, tant de postes à ci, tant de postes à ça. Là, il y a quand même une première contradiction. Il continue, el gobierno de la Generalitat siguió existiendo y mereciendo nuestro respeto. Le gouvernement de la Généralité a continué d'exister, première erreur, puisqu'il y avait double pouvoir, et a continué à mériter notre respect. Du point de vue anarchiste, mais bon, ça ne veut plus rien dire. On se retrouve donc dès le 20 juillet avec une situation de double pouvoir, avec d'un côté une émanation, on va dire, formelle de cet élan populaire au sein des milices, du comité des milices antifascistes, mais qui est déjà quand même un peu verticalisé, puisque ce comité des milices antifascistes ont fait intervenir des gens des partis politiques, alors que même on vient de reconnaître que les partis politiques s'étaient fondus dans le peuple. Et donc on les fait quand même réexister. Donc il reste la généralité. Et qu'est-ce qu'on va voir? Et là c'est Amoros qui nous amène quand même cet éclairage que moi je n'avais pas jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir? Quelle va être l'action de cette généralité vis-à-vis de ces fameux comités de quartier, ces fameuses patrouilles de contrôle? Eh bien la généralité ne mettra pas 2 mois à pondre des décrets pour liquider les comités de quartier. Et dans cette généralité, il se trouve que les gens de la CNT, les mêmes qui ont finalement laissé cette généralité survivre, vont rentrer dès le 26 septembre, ça va très vite, les choses vont très vite à la révolutionnaire, à moins de 2 mois, et la Catalogne va donner le pas à l'ensemble du mouvement national. Parce qu'à partir du moment où les gens de la CNT rentrent au gouvernement régional de la généralité, avec la politique que la généralité a déjà contre toute forme horizontale d'auto-organisation populaire, eh bien ça veut dire que c'est la porte ouverte à l'entrée des ministres de la CNT au gouvernement national en novembre. Quand on lit la composition du gouvernement de la généralité au mois de septembre, il y a absolument tous les partis qui sont présents. Sur 12 postes, il n'y en a que 3 qui sont occupés par la CNT. Les 3 qui sont occupés par la CNT, ce sont des personnalités droitières de la CNT. C'est-à-dire des gens qui sont des réformistes de la CNT. Et donc la CNT en Catalogne accepte de respecter un gouvernement qui n'existe plus le 20 juillet, accepte que ce gouvernement renaisse de ses cendres, accepte que ce gouvernement liquide les organisations horizontales du peuple, accepte d'être en plus en minorité en Catalogne, alors qu'ils auraient pu réclamer au moins, suivant la logique, par exemple, dans Peyrats, il y a un de ses dirigeants de la CNT qui est le père de Federica Mancini, qui explique très bien pourquoi lui, il trouve que la CNT doit rentrer au gouvernement. Et il dit les CNT et les anarchistes ne doivent pas être comme les ouvriers dépossédés de leur instrument de travail, ils doivent rentrer au gouvernement pour reprendre possession. Mais dans ce cas, si on rentre au gouvernement pour prendre possession du pouvoir, il faut le faire. Et c'est ce que reprochait Bailous en premier lieu. Il y a tant qu'à rentrer au gouvernement, pourquoi on y rentre à 3 sur 12? C'est totalement ridicule. C'est-à-dire que, d'une part, bon, on bafoue complètement les idées anarchistes, sous prétexte de pragmatisme, et sous prétexte d'anarchisme, on n'est plus pragmatique, puisque on y rentre, et en plus on est inférieur. Tant qu'à y être, hein. Voilà. Donc il y a, dans cet ouvrage, un tas comme ça de détails, qui sont tout à fait intéressants et qui devraient être traduits. Alors, de Miguel Amoros, on a traduit, tu m'as fait passer Dorothy dans le labyrinthe, c'est dans l'encyclopédie des nuisances. Mais là, dans cet ouvrage, il est beaucoup plus fourni. Et par exemple, il montre comment finalement, on n'est pas vis-à-vis des dirigeants de la CNT, qui sont les dirigeants du groupe Nosotros. Ces fameux dirigeants, quels sont-ils? Il s'agit de Garcia Oliver. Il s'agit de Dorothy. Dorothée qui va être, comme l'explique très bien Dorothée Levent, en opposition avec les positions justement de l'abbat de Saint-Pierre qui est là, et de quelques autres qui sont les militantes, qu'on appelle les destacados, qu'on appelle, et ceux qui vont donner le là de toute cette chose-là. Et là, on voit que ce n'est pas des erreurs, mais que c'est bien quand même une politique voulue du sommet de la pyramide, quoi, de la CNT. Parce que le problème, c'est que la CNT, étant fédéraliste, finalement, on reste toujours avec une pyramide. Et le problème, c'est que, par exemple, le journal Solidaridad Obrera, à Barcelone, qui est le porte-parole de la CNT espagnole, le comité de rédaction, entre ces mois cruciaux de juillet, août, septembre 36, va être totalement remanié. Des gens comme ce fameux Balbus, qui plus tard sera en mai 37 aux côtés des amis de Dorothée pour tenter de contrecarrer la contre-révolution. Ces gens comme Balbus et d'autres, les anarchistes, sont écartés du comité de rédaction de Solidaridad Obrera par les dirigeants des comités, du comité régional. C'est-à-dire qu'on met à leur place des gens comme Torrillo et comme d'autres, qui sont des éléments droitiers, qui viennent de, par exemple, l'un d'entre eux vient de ABC. Torrillo était un élément catholique. C'est-à-dire qui viennent d'éléments possibilistes de la CNT et qui remplacent les rédacteurs anarchistes de Solidaridad Obrera. Et à partir de là, parce que la presse de l'anarcho-syndicalisme, c'est quelque chose de stratégique. Celui qui a la presse, il a le pouvoir, quoi, de diffuser des idées. Et Solidaridad Obrera, c'était peut-être le journal le plus lu en Catalogne. Donc il fallait une ligne éditoriale qui soutienne l'action des comités nationaux de la CNT, justement pour favoriser cette politique de ce qu'on appelle de collaboration. Voilà. Parce que le problème, c'est que les dirigeants de la CNT ont, dès le 19 juillet, opté pour la collaboration contre la révolution. L'ont-ils fait à tort ou à raison? Ça, on en discutera à l'infini. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'ils ont adopté cette politique de collaboration, ils vont employer des méthodes qui n'auront plus rien à voir avec la démocratie directe. C'est-à-dire que quand Balbus et d'autres seront évincés du comité de rédaction de Solidaridad Obrera au profit d'autres éléments possibilistes de la CNT qui après feront y compris la propagande pour la Russie communiste jusqu'en 1937 justement, qui feront la propagande pour la militarisation au nom du mando unico, etc. et tout, c'est une politique voulue, c'est pas une politique faite au hasard, c'est bien une politique qui est imposée par justement ces éléments, ces militants connus de la CNT. Voilà. Donc, et ça pose quand même... c'est une expérience qu'il faut assumer, moi, à mon avis, qu'il faut connaître, et qui nous démontre par A plus B que ce qu'il faut favoriser en période révolutionnaire, c'est bien la capacité des masses à s'auto-organiser dans des assemblées, dans des organisations horizontales, en réseau, et non pas de compter sur la politique politicienne, sur des formes pyramidales d'organisation. Il faut toujours avoir ça en tête, que ce qu'il nous faut faire, c'est libérer la capacité des masses à réaliser leur émancipation et non pas prendre le pouvoir de coercition pour, au nom de stratégies plus ou moins habiles, on l'a vu là, ça mènera à la défaite, au nom de stratégies plus ou moins habiles, exercer un pouvoir politicien sur ces masses. Voilà. Je crois que là, la révolution, finalement, elle est toujours, elle aurait pu être vaincue, etc. Mais les analyses qui ont été faites à cette époque-là, il y a eu la suppression des comités de base, militarisation. Pareil pour le Front d'Aragon. À un moment donné, si on veut parler même de il y avait un élan révolutionnaire à Barcelone. C'est-à-dire que très rapidement, les gens se sont organisés eux-mêmes pour marcher sur Saragosse, qui était aussi un bastion de l'anarcho-syndicalisme, et Saragosse qui était occupé par les forces réactionnaires. Et les gens se sont organisés pour foncer tout droit vers Saragosse. Avec à sa tête, Dorothée aussi, pour échapper à ce climat de politicaillerie un peu qui commençait à Barcelone très rapidement, quoi, pour éviter de rester au Conseil de Généralité, s'est mis à la tête de cette colonne. Cette colonne, ils ont pris des techniciens militaires avec eux. Et ces techniciens militaires leur ont dit, ne foncez pas devant, ne foncez pas, parce que vous pourriez être pris par flanc, de flanc par les fascistes. Et du coup, le front, ils ont créé un front à 30 ou 40 km de Saragosse, parce qu'ils ont fait une politique, ils ont obéi aux techniciens militaires. Mais l'élan révolutionnaire, ça n'a rien à voir avec la guerre militariste. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, à mon avis, avec l'élan révolutionnaire, foncer directement sur Barcelone, sans tenir compte des marches de flanc et de contre-flanc. Ça n'a plus rien à voir. Vous avez l'exemple en France de Valmy. Valmy, c'est une bataille qui était gagnée par idéologie, c'est-à-dire que les forces adverses étaient décomposées, voilà, bon, pour plusieurs raisons. Et quand on mène une guerre comme ça, révolutionnaire, c'est les idées, c'est l'élan révolutionnaire qui compte, et c'est pas des tactiques militaristes, et surtout dans un premier temps. Et à partir du moment où le front s'est figé dans l'Aragon, et à partir du moment où le gouvernement a pondu ses décrets, etc., et tout, l'élan révolutionnaire a été brisé. Et de toute façon, à partir de là, c'est ce qui a été dit en préambule, à partir du moment où on brisait l'élan révolutionnaire, on brisait aussi les raisons pour lesquelles les gens pouvaient se battre pour la République contre le fascisme. Parce que les raisons essentielles du peuple espagnol pour se battre, c'était la liberté et la justice sociale. C'était pas se battre pour un drapeau. Donc voilà, je laisse ouvert le débat. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est une situation très très complexe, avec beaucoup d'éléments. Voilà, je laisse le débat ouvert.